Le Serbie à la violette de José Cadalso. On va lire la deuxième leçon. Non, pas la deuxième leçon, la troisième leçon. Mercredi. Troisième leçon. Philosophie antique et moderne. Il me semble que je suis en train de vous voir perplexe sur le point de la philosophie. Vous épouvantez de son nom, de que c'est du grec. Cela vous rend admiratif, son antiquité. Ça vous s'arrête là, vous, sur tellement de systèmes différents, suivis chacun par des hommes, à vrai dire, insignes. Et vous ne savez non seulement à qui donner la préférence, mais même pas par où entrer dans ces labyrinthes. Élargissez vos cœurs avec les suivantes advertances. Mettez-les en pratique et entrez avec la plus haute confiance dans la carrière. Il y a un certain opuscule dans ce monde qui, grâce à la patience de son auteur, vous trouverez les noms, origines, patrie, système, dit, fait, vie et mort de chacun des philosophes antiques et modernes, avec tout un grand primeur, jusqu'à mettre les portraits de chacun, qui sans doute lui ressemblera ou pas. L'histoire des modernes a fixé un nom d'auteur et sa grâce est Monsieur de Saverian. Monsieur de Sa de Saverian. De Saverian. Avec son portrait dans le frontispice très bien peigné, et rasé et habillé avec toute grâce, l'impression est d'Amsterdam et de l'année 1762. Celle des antiques est si ressemblante à celle des modernes que, sans se charger gravement la conscience, on ne peut conjecturer que ce soit l'œuvre du même extraité de Laertio et d'autres. Depuis Thalès, jusqu'au dernier de nos jours, elles sont toutes ponctuellement traitées et avec un peu de mémoire, on ne touchera dans les conversations aucun point de la philosophie dans lequel on ne puisse pas entrer courageux et sortir triomphant. Avec cette aide, vous allez corroborer votre loquacité, non pas sans l'autorité des païens et chrétiens, et de tout ce qui vous plaise, puisqu'il y a de tout. Mettons un exemple sorti de ce par ordre alphabétique. A. Âme voudrait vous parler de l'âme selon le système des antiques. Allez à l'indice et vous trouverez que Thalès fut le premier qui a assuré son immortalité et que cet philosophe a enseigné que l'âme connaît les choses corporelles par les organes corporels et les spirituels sans ses organes, etc. Tout cela sans sortir de la page 14 et 15 du premier volume. Dans la 220, vous verrez comment elle est définie par Platon et l'obscurité de son système. Dans la 309, vous verrez les dictamens d'Aristote, etc. Ami. Sur le même volume, page 150, vous verrez le sens que les sirènes donnaient à l'amitié. Et dans la 308, la définition de l'amitié donnée par Aristote. Et dans la 211, du deuxième volume, celle qui est donnée par Pythagore. Atome. Dans les volumes deuxième, dans la page 374, vous verrez ce qu'on dit sur le continuel mouvement de ces atomes. B. Beauté. Vous verrez ces différentes définitions par plusieurs philosophes dans la page 312 du premier volume. Le bien souverain. Vous verrez ce qu'il dit Confuce dans la page 111 du troisième volume. C'est cerveau. Dans le deuxième volume, de la page 223, vous trouverez que Pythagore dit que le cerveau est la résidence de la raison et de l'esprit. Comète. Vous verrez dans le deuxième volume, dans la page 403, les dictamens d'Épicure sur ces phénomènes ou phénomènes. Ce que pour cela, on n'a pas à se battre. Mais laissez-les de côté en appelant à Newton. Des dieux. Dans la page 21 du premier volume, dans la 22 et dans la 226, vous verrez ce qui a été dit de l'essence suprême selon les antiques. Là, vous pourrez, avec peu de frais, ostenter beaucoup d'érudition, jusqu'où vous soit donné la très régalée sans vie. Passerez-vous à tous ces êtres créés et sortez par conséquence que ce doit avoir été un être avec majuscule qui les a créés et conservés. Et c'est là cette verdad de Perogrullo bien amplifiée et traitée vous fera plus de profit que toute l'érudition du monde. Ainsi, poursuivons avec les articles que vous nécessiterez savoir selon la pensée des anciens. N'ignorez pas les noms de certains d'entre eux. Enfin, copiez la liste suivante qui vous sera très utile. Thalès, Solon, Stilpon, Criton, Hypaso, Antisthenes, Philolao, Eudosio, Chilon, Pitaco, Bias, Cléobule, Périandre, Anacharsis, Mison, Euclide, Diodore, Simon, Glaucon, Semias, Cebes, Ménédème, Platon, Speusippe, Xénocrate, Polémon, Cratès, Crantor, Arcésilao, Bion, Métroclès, Hipparchio, Ménippo, Zénon, Aristo, Hercule, Dionysos, Cléanthos, Dionisio, Cleanto, Sfero, Crisipo, Pitagora, Empédocle, Épicarme, Architas, Alméon, Épiménides, Phérécide, Anaximandre, Anaximène, Anaxagoras, Archélao, Socrate, Xénophon, Esquine, Timon, Épicure, Aristippe, Phédon, Lacide, Carnéade, Clitomaque, Aristote, Théophraste, Straton, Lycon, Posidonio, Épictète, Diogène, Monimo, Onésicrite, Cratès, Hippaso, Xénophane, Parménide, Mélisso, Leucippo, Démocrite, Protagoras, Diogenes Apdinar, Anaxarques, Pirrón, Diógenes Laercio, Confucio. Et quelques autres qui m'ont échappé. Pour apprendre de mémoire les noms les plus entremêlés de quelques-uns de ces vieillards, comme Phérécide, Carnéade, Empédocle, Anaxarque, et tous ceux qui sonnent comme ça dans la sonorité, sans parler des logiques, syllogismes, antinomes, sorites, dilemmes, arguments connus avec ces noms chatouillants pour les Marie, prémisse, illation, métaphysique, transcendance de l'un, de l'être, pour les différences, précision objective, etc. Avec nom, si vous nommez Héraclite, Démocrite, disant que l'un toujours était affligé et que l'autre toujours riait, de tout ce qui lui peut se passer autour, avec un peu de censure contre le matérialisme d'Épicure, avec nommer certaines sectes de philosophes, comme les platoniciens, académiciens, dialecticiens, cyrénaïques, mégariques, cyniques, péripatétiques et pythagoriques, avec un peu de parler à propos de la transmigration et de la métempsycose, qui, malgré que ce soit le plus approprié, sonne mieux puisqu'on entend moins clair, et avec un peu de dire, finir en disant que si ces philosophes anciens ressuscitèrent, il leur viendrait tellement ample d'être admis pour étudiants dans l'école de Newton, Descartes, Leibniz, Gassendi, Noller et autres, qu'ils sauraient le monde pour n'importe qui d'entre nous, pour plus philosophe que toute cette bande précédente des philosophes anciens, et les bouches vont rester ouvertes comme des portes quand vous savez, allez commencer à discourir sur les modernes, puisque vous exécuterez cela de la manière suivante, si vous voulez bien. Et on continue dans une autre piste sonore, excusez-moi.